bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour deux heures de rock progressif. Et je m'occupe de la mise en onde, du choix musical, de l'animation et de la recherche avec la complicité de Denis Marchand, Noël Douville et Robert Blanchette. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons Tampano du Venezuela, Seti du Chili, IQ d'Angleterre, ESP d'Angleterre, Dahal d'Italie, Barracuda Triangle de Suède, Android de Hongrie, Wolf de France, Riverside de Pologne, Caravan d'Angleterre et Frank Zappa des États-Unis. Alors, on débute ça avec un combo de l'Amérique du Sud et je parle ici de Tampano qu'on entendra en premier. Tampano qui cumule 10 albums studio et sont actifs depuis quand même 1979. Le dernier album est paru en 2014. L'album s'intitule Nowhere, Now Here et on va attendre un extrait. Ça sera suivi de Seti. Seti qui est une formation du Chili qui a trois albums à son actif et dont le plus récent, Bold Travels, c'est une nouveauté et on va entendre The Great Conflict. Et IQ terminera le bloc avec un extrait du Frequency. Frequency qui se trouve être le 9e album studio du groupe. Ils en comptent 10, le dernier étant Road of Bones. Une petite parenthèse ici pour souligner que IQ sera à Québec au début d'avril. Si vous voulez connaître les dates exactes, vous pouvez consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurone et vous aurez la liste des spectacles qui s'en viennent. Alors, on débute ça avec Tampano. We'll be right back. living side by side. Opposite attractions and desires. You love the day, I love the night. A burning winter, a freezing summer. Come river and the turbulent waterfall. There is in one day two opposite sides, day and night. There is in one man two opposite sides. We are dark gecko and Mr. Hyde. Inside, we all are God, Jekyll and Mr. isolation, keeping the experience at bay. Anytime, any day. It brings me to my senses, this poison in my side, the raging heart defenses are turning tide. Television screen cross the boundaries of my head. We're entertained by the dead. Stayed awake to make the morning, but it came too little and too late. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on est rendu au deuxième bloc et on va faire un petit retour sur le bloc 1. On a entendu avant la pause IQ avec la pièce Stronger Than Fiction. Et ça, c'est extrait de l'album Frequency qui est paru en 2009. Ça a été précédé de City, une formation du Chili, avec leur nouveauté, la pièce The Great Conflict et l'album Bold Travels. Et en début de bloc, nous avions Tempano du Venezuela avec la pièce When Opposites Meet, et c'est tiré de Nowhere Now Here. Et on débute maintenant le deuxième bloc avec la formation ESP. C'est un collectif de 11 musiciens avec des artistes invités dont on en parlait la semaine passée, David Jackson de Van de Graaf Generator, on a David Cross de King Crimson, on a Steve Guy de Landmark et plein d'autres. Et leur premier album s'intitule Invisible Din. Alors on va entendre Uninvited Guest. Et ça va être suivi par un groupe d'Italie du nom de Dahl. Dahl qui sont actifs depuis 2009. Ils ont déjà 5 albums, dont le dernier qui s'intitule Dances of the Drastic Neville. Et on va entendre un extrait. Et on va conclure le bloc avec un groupe suédois, c'est-à-dire qui ont un album. Il s'agit ici de l'album, en fait, il s'agit du groupe Barracuda Triangle. Et le titre de l'album, c'est Electrochoc Therapy. Alors, on débute ça avec ESP. We'll be right back. l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au troisième bloc de l'émission et on va débuter ça avec une formation hongroise, Android, qui viennent de faire paraître leur plus récent album. L'album s'intitule Man Machine et ça va être suivi de ESP qu'on a entendu auparavant. Et on va présenter un deuxième extrait de l'album, leur nouvel album Invisible Dean. Et on va conclure le bloc avec Wolf, une formation française qui vient de faire paraître, c'est une nouveauté, c'est un nouveau groupe aussi. Et l'album s'intitule Sleepwalker. Alors on débute ça avec Android. ha nincs már ki felfedezett, észrevétlen eltűnik örökre. Itt születtünk valahol, nem űrhajó hozott. Lassan váltunk ilyenné, kívül ember, belül robot. Látod, ilyen egy embergép, belülről rosda marja szét. Kívül egy műanyag öltözet, de a szívünk már a célt vezet. Close my eyes. no yard of here. Alors, c'était Wolf avec la pièce Ocean et c'est tiré de Sleepwalker. Ça, c'est paru en 2014. Auparavant, nous avions la pièce Overture, The Invisible Din, le premier album de ce nouveau groupe ESP d'Angleterre. Et en début de bloc, nous avions Android de Hongrie avec la pièce titre de l'album Man Machine. Et ça, c'est une nouveauté qui est parue en septembre. Après la pause, on retourne avec du plus traditionnel avec Riverside, Caravan et Frank Zappa. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neuron avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission avec un groupe de Pologne du nom de Riverside qui est très bien connu. On l'a vu à quelques occasions ici au Québec. Et c'est un groupe qui est actif depuis 2005. Ils ont 6 albums studio à leur actif et ce qu'on va entendre, c'est un extrait de leur 5e et avant-dernier, Shrine of a New Generation Slaves. La pièce qu'on va entendre, c'est Deprived, Lost Imagination. Ça, c'est la chance, on a le regretté Piotr Grudzinski, le guitariste qui est décédé d'une crise cardiaque, je pense, c'est le printemps passé. Mais on a l'occasion sur cet album-là de pouvoir l'entendre et de savourer son style. On va voir ensuite Caravan avec un album qui est paru, ça c'est en 1972. L'album s'intitule Waterloo Lily et on va entendre The Love in Your Eyes et on va conclure avec Frank Zappa. Frank Zappa qui a une infinité d'albums à son actif. Mais j'ai choisi aujourd'hui un de ses meilleurs, One Size Fits All, et l'extrait, ça sera Inca Roads. Alors, on débute ça avec Riverside. That world always feel myself alone. Shelter from the rain. good luck with me. That wife can't do nothing. Now, here he goes. Get a vehicle, get a vehicle, get a vehicle. Thank you. Alors, c'était Frank Zappa avec Inca Road et c'est extrait de One Size Fits All. Ça, c'est paru en 1975. Et auparavant, nous avions Caravan avec la pièce The Love in Your Eye et c'était extrait de Waterloo Lily qui est paru en 1972 dans ce cas-là. Et au début de bloc, nous avions Riverside avec Deprived et ça, c'est extrait de Shrine of a New Generation Slaves. C'est paru en 2013. Ça met fin à l'émission et je vous rappelle que si vous voulez consulter le pedigree des 12 artistes qui ont paru à l'émission aujourd'hui, je vous invite de consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et vous aurez aussi le titre des pièces, le nom des albums, les années de parution et la provenance et le style. Le style, j'entends, le sous-genre de rock progressif. Et aussi, sur la page Facebook de l'émission, vous allez pouvoir obtenir le lien qui vous amènera aux 72 ou 73 émissions archivées depuis 2014. Alors, c'est Jimmy Farley qui espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui et qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine, même heure, même poste.